Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 30 avril et en voici les grands titres. Commémoration ce samedi du 20e anniversaire du massacre des élèves au petit séminaire d'Obuta en province Bururi au sud du Burundi. Une commémoration qui a coïncidé avec le jubilé d'or de ce petit séminaire. L'évêque de Bururi recommande aux Burundais de suivre l'exemple de ces martyrs de la fraternité. À la veille de la célébration de la Journée internationale du travail des travailleurs, le fonctionnaire moyen de Muyinga, c'est au nord du Burundi, dit éprouver des difficultés pour joindre les deux bouts du mois. C'est au rythme des découvertes et des dettes qui survit. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, du 3 au 5 mai prochain, une délégation de médiateurs rencontre les groupes des jeunes, des femmes et de la société civile pour le Nelope Burundi, la priorité et la révision de la Constitution dans les meilleurs délais en vue de préparer les présidentielles de 2020. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Eric Ouimana à la présentation Mireille Kanyangé. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonsoir, c'était la petite matinée du 30 avril 1997 comme aujourd'hui quand une quarantaine d'élèves du petit séminaire de Buta ont été massacrés. La commémoration de ce triste anniversaire a eu lieu ce samedi au petit séminaire de Buta. Les festivités ont commencé par une messe au cours de laquelle Monseigneur Venant Wachinoni, évêque de Bururi, a rappelé que tuer n'est en aucun cas un argument politique et de recommander aux Burundais d'user de leur intelligence pour trouver des solutions différentes qui les divisent et de suivre l'exemple de ces martyrs de la fraternité. Suivez Monseigneur Venant Wachinoni en extrait de son homélie hier à Buta. Il est traduit en français par Ernest Pablo Bagiwabu. Nous ne pouvons pas oublier ces 40 enfants qui reposent. Dieu leur a donné cet esprit de sagesse, même s'ils étaient encore jeunes, cet esprit d'unité, de fraternité, même s'ils étaient encore jeunes, qu'il soit pour nous une leçon, qu'il soit pour nous un bon exemple pour éviter la haine, éviter de nous entretuer sans raison. Tuer n'est pas politique. Et malfaiteur était malfaiteur, qui ne disait pas qu'il cherche ceci ou cela, car Dieu nous a donné l'intelligence. Il y a des problèmes parmi nous. Que nous nous mettions ensemble, utiliser cette intelligence pour trouver des solutions pacifiques sans passer par la guerre. Monseigneur Venant Wachinoni, évêque de Bururi, en page politique, les discours prononcés ces derniers jours par le chef de l'État Pierre Nkurunziza par rapport aux échéances électorales de 2020 montrent à suffisance que c'est lui-même le candidat potentiel du parti CNDD-FDD au présidentiel. C'est du moins ce que déclare le vice-président du parti Sawanya Frodebu, qui indique que cela viendrait empirer la situation. Léon Sengendakumana le dit après la prière des Bagumyabanga en date du 25 avril, lorsqu'il commémorait le deuxième anniversaire de la présentation de la candidature du président Nkurunziza au présidentiel de 2015. Je vous prie de le suivre. On le voit venir. On en a même entendu parler à Rutana. Ce n'est pas nouveau. C'est une façon de vouloir convaincre l'opinion que finalement le CNDD-FDD restera au pouvoir à vie. C'est très clair, c'est très sûr. Ils ont d'ailleurs dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas, qu'il n'existe pas de parti comme le Frodebu sans armée qui régneront sur le Burundi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire pour faire tout cela, il faut avoir la maîtrise sur les armes. Maintenant, ils pensent qu'ils auront toujours la maîtrise sur les armes qui sont dans le pays, qu'ils en auront uniquement le monopole. Ils pensent qu'ils vont défier la loi dans ce pays, qu'ils vont défier l'accord d'Arusha et la constitution et les autres lois qui en découlent indéfiniment. Mais je veux vous dire que cela ne marchera pas. On a vu un peu partout en Afrique des gens qui se proclamaient empereurs à vie. En République centrafricaine, c'est un cas d'exemple. Ici à côté, en RDC, on en avait vu aussi, un peu partout, on en voit. Mais ils finissent par quitter le pouvoir. Malheureusement, après avoir détruit le pays, après avoir détruit les sociétés, après avoir désuni les peuples, après avoir ruiné l'économie et le système éducatif et la culture de ces pays. Même ces gens-là, s'ils continuent à croire qu'ils vont continuer à utiliser la machine de répression, l'armée, la police, la milice Imbonerakure pour régner à vie sur le peuple burundais, dans des conditions comme celles-ci, si au moins on régnait dans un contexte où la paix et la sécurité règnent dans le pays, où les piliers de la paix, de la démocratie, comme je le disais, sont là, se consolident, où l'économie du pays se développe, où les citoyens cohabitent pacifiquement. Là, on comprendrait au moins. Mais maintenant, dans tous les secteurs de la vie nationale, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Comment est-ce que les gens peuvent continuer à penser qu'ils vont continuer à faire régner au Burundi le chaos et l'anarchie et croire qu'ils vont rester éternellement comme ça? Je ne crois pas. Léonce Ngendakoumana, c'est le vice-président du parti Sahwanya Frodebo, au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Toujours en page politique, l'Observatoire national des élections et des organisations pour le progrès répondra à présent s'il est invité dans les discussions entre la délégation du médiateur et les leaders de la société civile en date du 3 au 5 mai à Bujumbura. Gilbert Bekonjangwa, président de l'ONELOP Burundi, indique qu'une des demandes qui sera adressée à cette équipe et qui est révision de la Constitution dans les meilleurs délais afin que les politiciens commencent à se préparer pour les élections de 2020. Suivez Gilbert Bekonjangwa, président de l'ONELOP Burundi. Nous pensons que nous allons demander à la facilitation de pouvoir respecter les conventions existantes entre les États membres de l'EAC, le respect de la souveraineté nationale. Et puis autre chose que nous allons proposer, c'est de ne pas mettre en avant l'impunité. Nous allons proposer à la médiation de voir comment écouter son Excellence le Président du Rwanda, son Excellence le Président de la République de Burundi, voir ce qui se passe au juste. Pourquoi il y a toujours la déstabilisation de la paix au Burundi, alors que le Rwanda est toujours accusé d'être le leitmotiv de l'attaque à la frontière du Burundi. Autre chose, que la facilitation puisse pousser la République du Burundi à revoir la Constitution de la République, la non-modification de l'actuelle Constitution de la République du Burundi peut constituer aussi une entrave, même si le facilitateur ne le voit pas de cette façon. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons avec ce journal. La pénurie de carburant sur tous les sens est devenue en casse-tête en mairie de Bujumbura. Tout comme à l'intérieur du pays, les conducteurs de véhicules ne savent pas quel sens vouer depuis un certain temps. Un de ceux qui faisait la queue ce samedi à la station Kigobe City Oil dit ne pas avoir de versement chez son patron et faire vivre sa famille alors qu'il est taximène et ne faisait qu'attendre sans savoir si le carburant est disponible ou pas. Écoutez. Il est traduit en français par Léonce Vitaliou. Nous attendons tout en espérant qu'il sera disponible. Nous ne faisons que faire la queue sur ces fils. C'est une grande perte. Moi, je suis un taximen. Mon patron attend de moi le versement. Et moi aussi, j'ai une famille à nourrir, à faire vivre. C'est vraiment grave. Les distributeurs de ce carburant, nous ne les voyons pas. Même ceux qui sont ici ont déjà enlevé leur tenue. On les voit en tenue civile. Ils nous disent qu'eux aussi, ils sont dans l'attente et nous, nous attendons avec eux. La plupart ont laissé leur véhicule ici. Ils sont partis. Passer des heures et des heures à attendre sans bouger, c'est fatigant. Que nous aurons le carburant ou pas, nous ne le savons pas. Quand on voit les autres faire la queue, nous faisons de même et attendre ensemble. Le salaire d'un fonctionnaire moyen ne permet pas de joindre les deux bouts du mois dans un contexte de flambée des prix sur le marché. À la veille de la célébration de la Journée internationale du travail des travailleurs, le fonctionnaire de Muyinga, c'est au nord du Burundi, indique être adapté au rythme des découvertes en banque et dettes pour survivre. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. Le billet de 1000 francs burundais sert de référence à certains agents de l'État pour justifier qu'il est difficile de joindre les deux bouts du mois avec le salaire. Avec ce billet, on achète à peine 4 kilos de riz. En cherchant le sucre dans les quartiers où les spéculateurs le vendent à 4000 francs le kilo, Donner un billet de 10 000 francs permet juste d'avoir 2,5 kilos de ce produit. Un seul panier de patates douces est obtenu moyennant cette somme au marché de Muyinga. Signe de la dévaluation de la monnaie locale, d'après des salariés, révérant s'être adapté au rythme des dettes et des couverts pour survivre. Des stratégies sont par endroits inventées par les employés de l'État pour pallier à la situation. Des caisses de solidarité ont été créées dans certains services. Et pour réduire les coûts d'achat, des ménages mettent ensemble l'argent en s'approvisionnant au marché auprès des grossistes pour ne pas subir le poids des bénéfices encaissés par les détaillants. Au moment où les travailleurs préparent la célébration du 1er mai, journée internationale du travail des travailleurs, des employés de l'État de la catégorie du personnel profitant de la prime de diminution des disparités salariales entre agents de l'État reconnaissent que cet effort a permis de hausser tout de même les salaires depuis 2 ans. C'est de l'Imana, Moïnga pour la radio Isanganiro. Quittons le nord du Burundi pour nous rendre un peu plus à l'ouest pour parler élevage en province Bubanza où plus de 2000 vaches de race améliorée sont attendues pour la vaccination contre la dermatose nodulaire dans cette province. Une campagne qui va durer 2 semaines. Le vaccin a été disponibilisé par l'OFIDA qui a donné ses vaches. Les éleveurs de vaches de race encolée demandent à l'État de faire de même. Les détails avec Spes Caritas Kabanyan. Les vaches de race améliorées qui sont en train d'être vaccinées contre cette maladie qui attaque la peau, la dermatose nodulaire, sont au nombre de 2681, 378 en commune Bubanza, 132 dans la commune de Gihanga, 448 dans la commune de Manda, 1297 dans la commune de Musigati et 426 en commune de Lugazi. Selon les rapports disponibles à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza. Selon les mêmes rapports, ce vaccin a été disponibilisé par les projets du FIDA qui œuvrent dans cette province de Bubanza et qui ont donné ces vaches de race améliorées. C'est entre autres le Codefi, Paivabe et Pensadrim. De leur côté, les éleveurs des vaches de race en Corée demandent à l'État de faire la même chose, de leur donner ce vaccin afin de prévenir contre cette maladie très contagieuse et qui a fait dernièrement ravage dans la province de Cibitoke, la province voisine de Bubanza. C'est ce qu'a été travaillé à Bubanza, Radio Isanganiro. Et de Bubanza, rendons-nous en province Mwaro où il y a eu une compétition ce samedi d'athlétisme pour les écoliers élèves de la commune Rusaka en province Mwaro qui était prévue ce samedi et qui a été empêchée par l'administrateur de Rusaka. Elle explique que l'administration n'avait pas été associée dans la préparation de cette activité. Les représentants de l'association d'athlétisme de Mwaro et ceux de l'association des natifs de cette commune qui avaient organisé cette compétition disent quant à eux qu'ils avaient bien écrit il y a 2 semaines au gouverneur de la province et avaient même informé l'administration communale. Une correspondance de Laurent Dikuliyu. Au cours de cette compétition d'athlétisme pour les écoliers et élèves de la commune de Rusaka qui devait avoir lieu ce samedi 29 avril, les enfants âgés de moins de 17 ans devaient faire un circuit de 2 km et ceux âgés de 17 ans et plus devaient faire une distance de 6 km. 242 athlètes devaient concourir lors de cette activité. Au moment où cette compétition allait commencer, l'administrateur de la commune de Rusaka, Bernardine Nduimana, a indiqué aux organisateurs de la dite activité qu'elle ne pouvait pas avoir lieu. Et pour cause, l'association d'athlétisme de Mwaro et l'association des ressortissants et amis de Rusaka Solidar en sigle, qui avaient organisé cette compétition, n'avaient pas associé l'administration communale de Rusaka dans la préparation de cette activité. Le président de la Solidar, Abonimana, lui, un des organisateurs de cette compétition, dit qu'ils ont été étonnés par cette mesure de l'administration communale, car ils avaient écrit une lettre le 14 avril 2017 au gouverneur de la province Mwaro pour demander la permission de la tenue de cette compétition. Aussi, une copie de cette lettre avait été donnée à l'administrateur communal de Rusaka et au directeur communal de l'enseignement pour la mobilisation des compétiteurs. Il ajoute qu'en date du 21 avril 2017, une réunion de préparation de cette compétition avait lieu à Bukwavu, chef de cette commune, pour préparer cette activité. Ici, l'administrateur de la commune de Rusaka dit qu'elle n'en est pas au courant car personne ne lui a demandé une permission irrelative. Certains habitants de la commune de Rusaka indiquent que de telles compétitions pourraient développer les performances des jeunes et permettraient que leurs talents ne soient pas inhibés. Signalons que le président de la Fédération nationale d'athlétisme, Dieudonné Kwizera, était parmi les invités à cette activité. Depuis la commune de Rusaka, Laurent Dikuliyu, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Andikurio pour tous ces détails. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Une très bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.